contact avec ta parole. Moi j'ai bien trouvé cette voix. Ce n'est plus une voix physique. Et quelque chose qui se passe dans mon cœur. Dans moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la voix et reste le même. Quelque chose qui se passe dans mon cœur. Quelque chose doit se passer dans son cœur.